Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Radio Isanganiro, c'est le moment du journal en français, dont voici les titres. Le fonctionnement et les remboursements de la dette dépassent la mobilisation des ressources intérieures. Analyse de Faustin Ndikumana, directeur exécutif de la PARSEM, qui propose le gouvernement à mobiliser des financements extérieurs. 11 membres du parti SNL ont été suspendus de l'organe national de ce parti. Ils sont accusés de se constituer un groupe de dissidents. Et les habitants de la localité de la zone urbaine de Nyakabiga et côté Kigobe demandent à l'État de protéger les infrastructures environnantes car les berges de la rivière Nangwa s'écroulent. Voilà pour les titres. Chancela Mugisha-Wimana assure la mise en onde de Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page politique, 11 membres du parti SNL ont été suspendus de l'organe national de ce parti. Ils sont accusés de se constituer un groupe de dissidents par le fait qu'ils ont refusé de travailler en tant qu'organe stratégique, travailler avec le bureau politique. Selon la décision signée par le président de ce parti, montre que ses partisans n'ont cessé de boycotter les activités du SNL. Le secrétaire général de ce parti indique que ses membres n'ont jamais demandé de dialogue de façon formelle. Honorable Simon Bizimou explique que cette sanction est disciplinaire et répond à ce qu'il qualifie de comportement indigne. Suivez plutôt honorable Simon Bizimungu répondant aux questions d'Alain Désiré Boukienez. La suspension de ces 11 membres est motivée par les articles 47, 59, 60 et 61 des statuts du parti CNR. Ces membres qui ont été suspendus l'ont subi suite à un comportement indigne qu'ils ont affiché depuis le mois de novembre 2022 jusqu'à la date où la décision a été prise. Ils ont été punis suite à ce comportement indigne et la punition qu'ils ont eue est une punition liée aux mesures disciplinaires. Mais ces membres considèrent que c'est le fait de bloquer le dialogue qui devrait débuter pour le dénouement de la crise, n'est-ce pas? Ce dialogue n'est pas connu dans les organes du parti CNL. Aucune correspondance n'a été envoyée au parti CNL, lui communiqua ce dialogue. Et là, je me demande, même si ce dialogue existait, il portera sur quoi? Demander comment est-ce qu'on peut faire pour unir nos membres, ici je voudrais vous rassurer que nos membres sont unis. Et là, je profite de cette occasion pour les remercier du comportement de sérénité qu'ils ont affiché depuis le commencement de cette situation. Je demanderai de rester toujours serein et de songer toujours à développer leur parti, le parti CNL. Donc, s'agissant de ceux qui sont suspendus, je demanderai de rompre avec ce comportement subversif qu'ils ont affiché durant ces derniers jours et de regagner le bercail. Et ces 11 membres du bureau politique et du parti CNL qui ont été suspendus s'inscrivent en faux contre cette décision prise par le président de ce parti. Dans un communiqué sorti ce 26 juin, ils ont demandé à ce qu'il y ait des pourparlers. Honorable Terence Manirambona, un des membres suspendus de l'organe national, indique qu'ils veulent que la loi soit respectée. Le parti CNL est en crise depuis 8 mois et personne, y compris le président du parti, n'a le droit de prendre une telle décision tant que les organes du parti, particulièrement le bureau politique, ne peuvent pas se réunir. Visiblement, c'est une décision qui émane de lui-même. Seul le bureau politique est habilité à prendre une telle décision conformément aux statuts légaux du parti de 2019. Aucune disposition ne permet pas au président du parti de suspendre les membres du bureau politique qui ont un mandat de 5 ans, lui aussi y compris, et cela sans aucune accusation. La recommandation du ministre de l'Intérieur suspend toutes les activités et les réunions du parti à l'exception de celles relatives à la réconciliation autorisée par ce même ministère. Par ailleurs, à travers un communiqué du 26 courant, nous, les membres du bureau politique, épris du respect des textes légaux du parti et de la cohésion de ses militants, avions invité le président du parti de convoquer une réunion du bureau politique de 2019 pour traiter le climat malsain qui règne au sein du parti CNL en se référant à la recommandation du ministre de l'Intérieur. Alors, on se demande, est-ce que cette décision serait-elle une réponse de notre requête du 26 courant ou cette cette décision serait-elle une réaction face à la recommandation du ministre de l'Intérieur? Nous constatons que cette décision cache beaucoup de réalités, mais visiblement les conséquences de cette décision présagent une destruction du parti. Nous, les membres du bureau politique, épris du respect des textes légaux du parti et de la cohésion de ses militants, nous demandons toujours le respect des textes fondamentaux du parti. Page économie à présent, certains projets risquent de ne pas être réalisés au cours des changements opérés dans le projet de loi des finances exercice 2023-2024. L'auditeur de la parole et action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités l'a dit lors d'un point de presse animé ce vendredi. Faustin Dikoumana a indiqué à titre d'exemple que le fonctionnement et les remboursements de la dette dépassent la mobilisation des ressources intérieures. Il a proposé à cet effet que le gouvernement mobilise des financements extérieurs et renforcer la discipline budgétaire et la transparence. Suivez Faustin Dikoumana. On a augmenté le budget des dépenses de 2 302 milliards à 3 952 milliards. Je suis conscient. Il y a l'augmentation des dépenses. Et quand on augmente les dépenses, les ressources. Qu'en est-il des ressources? Les ressources, il y a les recettes fiscales. Les recettes intérieures, il y a l'endettement. Et les dons. Actuellement, on voit alors une augmentation substantielle des dons. Et une situation qui augure un endettement excessif suite à un déficit de 700 milliards. Encore parmi les dépenses, on voit immédiatement l'augmentation des charges de fonctionnement, salaire des fonctionnaires, l'achat des biens et services et le paiement de la dette. Le principal est son intérêt. Ça veut dire qu'actuellement, l'investissement n'a pas une place conséquente. Si nous ne parvenons pas à mobiliser cet argent de l'appui des abeilles de fonds, c'est le gouffre parce qu'on aura dit, bon, dit qu'on a des projets à exécuter, mais ça sera toujours du saupoudrage ou reporté au calendrier grec. J'imagine qu'à ce niveau, l'effort doit être fait. Si on ne mobilise pas cet argent, c'est le gouffre parce que même les recettes en devise, c'est l'appui extérieur qui va donner une grande contribution. Quant à dire que le budget actuel montre qu'il s'adapte au nouveau principe du budget programme, je suis réservé parce qu'un budget programme qui ne donne pas une place suffisante à l'investissement, ça devient problématique. Budget programme, on augmente les frais de fonctionnement, on est en train de payer les dettes, on est une situation qu'on doit absolument redresser. Ça peut être compréhensible, mais faut-il suivre tout cela à la loupe? Faustin Dikoumana, directeur exécutif de la parole et action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM. L'indépendance économique des Burundi laisse à désirer, avis du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, dans une conférence de presse tenue ce vendredi à la veille de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance des Burundi. Gabriel Ruffieri estime que le fait d'endosser les problèmes du pays aux colonisateurs et le manque de leadership visionnaire sont notamment les facteurs qui entravent l'indépendance économique du Burundi. Suivez-les. Charles de Gaulle, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était président de la France. Il a dit ceci: sans indépendance économique, il n'y a plus d'indépendance tout court. D'abord, je dois rappeler que chaque 10 ans, après l'assassinat du prince Rwagasore, il y a toujours une crise. Crise politique, guerre civile. Donc, il y a toujours une crise après 10 ans. La dernière en date de 2015. Et cela a comme conséquence la crise du leadership. Depuis l'assassinat ignoble du prince Rwagasore, le Burundi n'a pas pu construire un leadership capable de passer des décennies et des décennies avec une constance d'une administration pérenne. Un autre problème, par ailleurs, qui émane de ce problème de leadership, les Burundais, surtout les hommes politiques, veulent toujours porter les fardeaux ou les échecs aux colonisateurs. Mais ici, je voudrais rappeler que le colonisateur belge qui a colonisé le Burundi a été occupé, dominé par au moins 3 puissances. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, la Belgique prend vraiment même une minute à porter ces problèmes à l'Autriche, à la France, à l'Espagne? Moi, je dis non. Mais chez nous, au Burundi, les mandataires politiques, après 61 ans d'indépendance, nous portons toujours nos échecs aux colonisateurs. Et nous oublions que ce n'est pas seulement le Burundi qui a été colonisé. Je pense qu'on doit rompre avec cette attitude notoire et nocive. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le journal continue, page coopération. L'Italie compte renforcer sa coopération bilatérale avec le Burundi dans le domaine de l'agriculture mécanisée. C'est ce qu'a révélé l'ambassadeur de l'Italie au Burundi ce vendredi après une audience lui accordée par le Premier ministre burundais. L'ambassadeur Massimiliano Mazzati ajoute que son pays va aider le Burundi à obtenir les certifications nécessaires pour exporter les produits agricoles. Suivez-les. On a décidé d'amorcer une coopération bilatérale sur l'agriculture, sur la mécanisation agricole et surtout des coopérations avec notre compagnie italienne qui s'appelle Case New Holland. Il y avait ici dans la délégation les représentants régionaux de Case New Holland. On va amener ici un tracteur agricole de totale production italienne et ça c'est seulement les premiers. On testait naturellement la capacité de l'équipement dans l'agriculture. Mais on va amener naturellement des autres pour participer au développement agricole du pays. Il faut développer, comme vous savez, on a déjà la filière des tomates qu'on est en train de développer avec la ville de Parme. On est en train de développer une chaîne de valeur sur la transformation alimentaire, surtout de la viande agricole et sur le porc. Nous sommes en train d'aider les Burundis à obtenir les certifications nécessaires pour exporter les produits agricoles burundais. Donc c'est un moment très important de coopération et de collaboration dans les domaines agricoles, mais aussi naturellement sur le futur de l'Expo 2030. On souhaite naturellement qu'un pays ami comme le Burundi va être part du soutien à notre candidature, à la candidature de Rome à l'Expo 2030. C'est un moment très important. On va continuer à contribuer aussi à la santé publique avec la Fondation Bonne Action de Madame la Première Dame. On va continuer à développer toutes les capacités du pays. Nous croyons que la chose la plus importante est d'être des partenaires crédibles, des partenaires pour le futur et pour le développement soutenable de ce pays. Le Premier ministre a aussi reçu en audience l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi. Entre autres sujets abordés figure le renforcement de la coopération entre ces deux pays, selon le porte-parole de la primature Moïse Nkurunziza. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vient de recevoir l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas qui était venu pour échanger avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la relance des liens d'amitié et de coopération, lesquels y est date de très longtemps par ailleurs, mais à un certain moment qui ont été au ralenti. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas ont revenu sur les potentialités et les opportunités que le Burundi dispose et qui pourraient être bénéfiques à tout investisseur et qui pourraient même stimuler à ces pays amis qui verraient nous aider d'aboutir à un vrai développement. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas a apprécié substantiellement la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui prône que le Burundi soit en 2040, soit un pays émergent, et qu'en 2060, soit un pays développé. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, a promis qu'il va plaider auprès de son pays qu'il a mandaté pour plaider en faveur du Burundi afin que cette vision soit appuyée par le Royaume des Pays-Bas. Page environnement pour clôturer ce journal. Les berges de la rivière Nangwa du côté de la zone urbaine de Nyakabiga et du côté de Kigobe continuent à s'écrouler. Des habitants de cette localité demandent à l'État de protéger les infrastructures environnantes avant la saison pluvieuse. Reportage signé Mireille Kanyang. Après avoir quitté l'avenue de l'imprimerie, l'on emprunte une allée vers la rivière Nahangwa, passant par le bureau communal du Paej Mukaza. L'on voit des berges de cette rivière qui s'agrandissent, des extracteurs du matériel de construction, des hommes et femmes portant ce matériel sur la tête du côté de Kigobe. Un ravin se creuse aussi du côté de Nyakabiga. En avançant plus loin vers l'école Pentecôte, l'on aperçoit un petit ruisseau Nyamivuba passant près de l'hôpital militaire de Kamenge. Un ravin s'est creusé, on y voit une machine, signe que des travaux sont en cours, bien qu'on n'y ait pas vu de travailleurs à quelques minutes de 10h de ce vendredi. Bahati Gaspard est menuisier du côté de Nyakabiga. Il travaille non loin de la rivière Nahangwa. Il Il voudrait que les berges de cette rivière soient stabilisées, comme cela a été fait ailleurs sur cette rivière. De l'autre côté, vous voyez que l'écoulement des berges de cette rivière menace les maisons. Avant, des gabions y étaient érigés. Tout s'est écroulé. Moi, je demande à l'État de protéger cette rivière comme cela a été fait tout près de l'écoulement. Berkima Sabimenimana, lui, habite du côté de Kigobe. C'est grave, dit-il, à voir cet état de fait. C'est vraiment grave. Vous voyez qu'il n'y a pas de pluie en ces temps, mais ceci n'empêche que ça continue à tomber dans la rivière. Quel État met la stabilisation des berges de cette rivière dans ses priorités? Sinon, les propriétaires des maisons ont peur. Ça demande beaucoup de moyens. Seul un individu ne peut y arriver. Je voudrais également qu'il y ait des machines qui s'y penchent quand il pleut, et qu'il y a des tournants, cela a des conséquences. Tous demandent à l'État de protéger les maisons et autres infrastructures avant qu'il ne soit tard. Merci à Mireille Kanyange pour son reportage. Eh bien, voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir prêté attentive. Jean-Marie Mayongati à la présentation. Bonne soirée chez vous et bonne suite de nos programmes. Au revoir.